chapitre 17. Alors l'un des sept anges qui tenait les sept coupes vint me dire, « Viens, et je te montrerai comment doit être punie la grande prostituée, la grande ville bâtie au bord de nombreuses rivières. Les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité avec elle, et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de son immoralité. » L'esprit se saisit de moi, et l'ange me transporta dans un désert. Je vis là une femme assise sur une bête rouge qui était couverte de noms insultants pour Dieu. Cette bête avait sept têtes et dix cornes. La femme était habillée de pourpre et d'écarlate. Elle était chargée de bijoux d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or pleine des abominables impuretés dues à son immoralité. Sur son front était écrit un nom au sens secret, la grande Babylone, la mère des prostituées et des abominations du monde. Je vis que cette femme était ivre du sang des membres du peuple de Dieu et du sang de ceux qui ont été tués à cause de leur fidélité à Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit alors, « Pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai la signification secrète de la femme et de la bête qui la porte, la bête qui a les sept têtes et les dix cornes. La bête que tu as vue était autrefois vivante, mais elle ne l'est plus. Elle doit sortir de l'abîme, mais pour aller à sa destruction. Les habitants de la terre, dont le nom ne se trouve pas écrit depuis le commencement du monde dans le livre de la vie, s'étonneront en voyant la bête. En effet, elle était autrefois vivante, mais elle ne l'est plus, et elle reparaîtra. C'est ici qu'il s'agit de faire preuve d'intelligence et de sagesse. Les sept têtes sont sept collines sur lesquelles la femme est assise. Elles sont aussi sept rois. Cinq d'entre eux sont tombés, l'un règne actuellement et l'autre n'est pas encore venu. Quand il sera venu, il ne doit rester que peu de temps. La bête qui était autrefois vivante mais ne l'est plus est elle-même un huitième roi qui fait en même temps partie des sept premiers et qui va à sa destruction. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore commencé à régner, mais ils recevront le pouvoir royal pour régner pendant une heure avec la bête. Ils ont tous les dix la même intention et ils remettent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ils combattront l'agneau, mais l'agneau les vaincra parce qu'il est le seigneur des seigneurs et le roi des rois. Il les vaincra avec les siens, ceux qui ont été appelés et choisis, ses fidèles. L'ange me dit encore, les eaux que tu as vues, sur lesquelles est assise la prostituée, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. Elles lui enlèveront tout ce qu'elle a et la mettront à nu. Elles mangeront sa chair et la détruiront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur le désir d'accomplir son intention en agissant d'un commun accord et en remettant leur pouvoir royal à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient réalisées. Enfin, la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui domine les rois de la terre.